Quand Einstein rentre à la maison, que fait-il, mais que fait-il donc? Quand Einstein rentre à la maison, résout-il des équations? Non, non, non, non. Pour défier cette gravité qui lui pose problème, de très haut il laisse tomber tous ses théorèmes. Et pour ne rêver seulement que dans trois dimensions, tuer une bonne fois le temps, il compte les moutons. Quand Satan rentre à la maison, que fait-il, mais que fait-il donc? Quand Satan rentre à la maison, quels sont ses péchés mignons? Non, non, non, non. On s'attend à ce que Satan ne tienne jamais en place, qu'il mette à feu et à sang les lieux où il passe. Mais c'est fini la belle vie, comme il dépensait tout pour sa police d'incendie, il n'a plus un sou. Quand Reagan rentre à la maison, que fait-il, mais que fait-il donc? Quand Reagan rentre à la maison, œuvre-t-il pour la nation? Non, non, non, non. Fort de sa carrière d'acteur, il s'entraîne à poser pour le rôle de géniteur dans un film osé. Sans que personne ne le sache, il s'habille tout de blanc et s'en va jouer à cache-cache chez le Ku Klux Klan. Quand le bon Dieu rentre à la maison, que fait-il, mais que fait-il donc? Quand le bon Dieu rentre à la maison, s'en tient-il à ses canons? Non, non, non, non. Il descend un peu sur terre, voir s'il est bon y vivre, si les hommes sont bien frères, comme le veut son livre. Et quand l'amour le démange, je crois bien qu'il se dit hey, adieu va pour les archanges et le paradis. Quand Brassens rentre à la maison, que fait-il, mais que fait-il donc? Quand Brassens rentre à la maison, compose-t-il des chansons? Non, non, non, non. Il tire du corps de ces dames, rondes, blanches ou noires, des soupirs de haut de gamme, comme de sa guitare. Et il apprend à ses chats à miauler la rythmique, au cas où Pierre Nicolas voudrait sa musique.